Gazetti. Pilonné. Dans le bien hôtel sa fille, colonel Pona Bomboma. Mama Osasi, Yebisa Mama Noel, et pas la mienne.